Le rassemblement des jeunes avant-gardistes pour appliquer à fond les tâches de valeur de programme précisé dans le discours du maréchal Kim Jong-un à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung a eu lieu le 30 août au Palais des Sports de Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, les présidents du comité du Parti Travail de Corée pour les provinces et les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse. Dans son rapport, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, a dit que le discours du maréchal Kim Jong-un marquant l'apogée du mouvement de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-uniste est le guide militant qui incite l'Union de la jeunesse à s'acquitter de sa mission et de sa tâche glorieuse en tant que troupe de relève, d'avant-garde et de flanc du parti dans la lutte pour l'accomplissement de la décision du 16e congrès du Parti Travail de Corée sous la bannière de la transformation de toute la société selon le Kim Il-sunisme Kim Jong-unisme. Il appelait toutes les organisations de l'Union de la jeunesse et les jeunes à défendre à outrance le respecté camarade Kim Jong-un comme rempart et bouclier et à lutter vigoureusement pour l'achèvement de la cause socialiste tutsi, la transformation de l'Union de la jeunesse par le Kim Il-sunisme Kim Jong-unisme et l'avenir radieux de la puissance de la jeunesse. Ensuite, il y a eu les interventions.